Tout à l'heure, on écoutait la voix de Gottlieb avec son accent qui parlait des Marx Brothers, qui parlait de Tex Avery. Il s'agit aussi en bande dessinée de parler de peinture, de mise en scène quand on fabrique un livre. La bande dessinée, c'est finalement pas un milieu clos du tout, Jean-Luc Gauthier. Non, c'est pas un milieu clos, d'autant plus que le genre a évolué avec l'apparition de tout un tas de petits éditeurs, dont Cornelius n'est qu'un petit éditeur parmi tant d'autres qui sont apparus donc au début des années 90. Les plus connus étant l'association, mais on peut citer aussi Ego Comics, les Requins Marteaux, il y a Alain Bollet qui fait plus dans les petits tirages, il y a le Frémoc, enfin moi, il y a des tas de gens. Et ces gens-là, finalement, sont apparus. C'est pas qu'une génération spontanée, et bien sûr ils descendent d'artefacts ou de Futuropolis ou des humanoïdes associés, mais ce sont surtout construits sur l'expérimentation au départ, parce que cette expérimentation n'était pas représentée chez les gros éditeurs. Les industriels de la bande dessinée faisaient des carottes sous vide, et d'ailleurs bon, j'ai rien contre, moi je suis un ancien lecteur de Torgal, et j'ai toujours plaisir à lire des bandes dessinées on va dire dans le format plus classique, mais il fallait ouvrir un petit peu le champ. Donc, nécessairement, la bande dessinée au départ, cette bande dessinée-là, s'est développée sur ce qui était en friche, sur tous les territoires qui n'étaient pas occupés par les gros éditeurs. C'est comme ça que des générations d'auteurs sont développées. Et donc de s'ouvrir sur la peinture, sur le cinéma, la littérature, la musique. Ce matin, vous nous avez apporté deux disques, ouais, que vous vouliez nous faire écouter. Oui. Vous nous avez même dit que chez les scouts, on vous surnommait Castor Insidieux parce que vous pourriez nous soudoyer en nous apportant des livres ou des pâtisseries pour passer absolument ces disques-là. Voilà, donc j'ai inventé n'importe quoi pour essayer de vous faire rire et que vous craquiez pour qu'on passe enfin ces deux disques. Alors, il y a un premier disque qui s'intitule... Alors, c'est Spartacus, c'est l'album, le groupe c'est Shunatao. Voilà, excusez-moi, je cherchais, c'est pour ça qu'il y avait un blanc. Pas de problème. Shunatao, et c'est un groupe un peu confidentiel, mais que je trouve extraordinaire, qui est sur un label qui s'appelle Amanita, donc je crois qu'ils ont un site internet qu'on peut trouver. Et je vous propose d'écouter, donc, ça va être le premier morceau, qui est I'm Not That Kind of Guy. C'est parti. Ces garçons sont français. C'est comme si c'était d'une certaine façon la bande originale des éditions du catalogue Cornelius. Ah, celui-là on l'a beaucoup écouté, oui. Ouais. Et bien, on a un auteur de bande dessinée dans le groupe qui s'appelle Vin Schluss. C'est comme ça que la connexion s'est faite. Et j'ai vraiment accroché sur cette musique. Et qu'est-ce qui fait que cette musique elle ressemble au travail que vous faites? C'est du fun, hein, madame. Tout est fait à la main. Avec vos petites mains. Oui. On écoute autre chose. Cette fois, je sais qui c'est. C'est Bertrand Burgala. Ah, j'adore ce titre. Ils chantent en anglais avec un gros accent français, ça a beaucoup de charme, je pense. Donc Bertrand Burgala, qui apparaît d'ailleurs sur la pochette de cet album, on le voit de face avec ses grosses lunettes. Oui, très gros bon, très très bon album. Et qui lui est responsable aussi d'un petit label de musique. Tricatel. Qui s'appelle Tricatel. Et pour vous, il y a des correspondances entre le travail que vous faites dans le domaine du livre et le travail que lui fait dans le domaine du disque. Oui, j'aime beaucoup Tricatel, j'aime beaucoup leur démarche. Il suffit de lire les interviews de Burgala pour s'apercevoir que c'est un type intelligent. Mais ce qu'il faudrait surtout, c'est écouter ses disques. Parce que les disques qu'il fait en tant que producteur, mais surtout c'est ce fameux Portrait Robot, qui est à mon sens un des meilleurs albums de l'année, et où il arrive à faire une musique à la fois très cérébrale et très émotive. Toute simple en fait, c'est ce que j'adore dans son travail. Et Tricatel, je pense que ça illustre assez bien, c'est des structures de taille comparable, hein, et ça illustre assez bien finalement la chance qu'on a eue dans le livre, hein, qui est la loi langue. Parce que finalement, ce qui fait que c'est difficile pour des labels comme Tricatel, ou je sais pas, Microbe, qui est un très bon label aussi, c'est qu'il n'y a pas ce fameux prix unique. Vous voyez ? Et c'est ce qui nous défend aujourd'hui, c'est ce qui permet qu'il y ait autant de petits éditeurs qui existent. Et c'est ce qui fait que malheureusement, malgré d'ailleurs une assez bonne médiatisation, Tricatel a eu récemment des problèmes économiques assez sérieux. Donc c'est le seul message que je peux faire passer aux gens. Si vous voulez que, si vous avez de la sympathie pour ce qu'on incarne, c'est-à-dire une forme de curiosité ou en tout cas d'autres possibilités, il y a un seul truc à faire, c'est aller en magasin, demander les disques ou les livres et achetez-les. Voilà, c'est tout bête, il n'y a que ça à faire, il ne faut pas se bercer de grands mots comme militantisme et tout ça, c'est du flan. Il faut juste acheter les bouquins, et après, si vous n'aimez pas, vous laissez tomber, l'offre est pléthorique. Et si jamais vous avez une petite sensibilité pour ce type de musique et ce type d'édition, faut y aller, faut sortir le porte-monnaie, les copains. Voilà, c'est dit. Ça va mieux en le disant, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je précise qu'à l'occasion de Lire en Fête, il y a une manifestation qui porte un joli nom, qui s'intitule Littérature Pirate. Alors voilà, ça réunit toute une série d'éditeurs, comme le Frémog, justement, ouais. Comme l'association, comme Cornelius, sans doute. Ça se passe à la Bibliothèque publique d'information au Centre Pompidou. Ça aura lieu le 10, 15, 16 et 17 octobre. Et ça réunit des éditeurs qui conçoivent leur travail comme un travail de création. Ça s'intitule Littérature Pirate. Merci d'être venu dans Eclectique ce matin, Jean-Louis Gauthier. Merci à vous.